les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Lauriner. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle d'araignées, de Facebook et de drogue à des drôles de places. Vous êtes à 70%. En fait, je suis avec mon fidèle comparse Bruno. On est en train de faire connaissance avec notre invité Marc-Antoine. Vous êtes à 70%, comme à chaque lundi, ou podcast enregistré. On est sur Radio H2O en plus. Tu peux écouter ça jeudi, dimanche. Chris, t'as vraiment pas besoin d'être ici. C'est ça. Moi, mais en fait, il y a comme une ambiance, puis on peut voir notre invité. Il est super sympathique, hein? Ouais. À date, plus 2 de charisme. Ah, OK, mais on peut m'entendre, surtout. Oui, ça, oui, ça, oui, gens, oui, oui, oui, oui. Je vais décrire un peu mon physique. Tantôt. OK. Attends un petit peu, je te reviens, parce que là, comme chroniqueur à 70%, je vois Mustapha, je vois Florence, on a Élise aussi, Étienne, Mathieu, Damien, on est l'audant, ça précise. S'il y a de la place, on va peut-être avoir un certain Éric Carmen. Sinon, ben, il y a Bruno, très content de te revoir, Bruno. Oui, pas toujours. Non, d'habitude, je suis content de te revoir. Non, je veux dire, moi, je suis pas toujours là, fait que tu me revois pas toujours. Effectivement. C'est ça que je voulais dire par là. OK. Je voulais m'excuser de pas avoir été là la semaine passée en étant vraiment weird avec ma réponse, en fait. OK, c'est bon. Ben, ça a marché, je pense. Cool. OK. Et puis sinon, ben, on applaudit notre invité, s'il vous plaît, Marc-Antoine. Ouais! Mon petit. C'est trop. Toi, dans le fond, t'es un responsable d'un nouveau projet web et c'est un petit peu pour ça qu'on t'a invité. Là. Moi, je veux que tu nous parles de ça. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. C'est un projet un peu comme vous. C'est un projet d'entrevue, mais qui va être sur le web. Et moi, c'est visuel. Donc, je reçois des invités connus de la télévision, mais qui s'en viennent un peu sur le web, puis qui me révèlent des affaires qu'ils n'oseraient pas dire à la télé. Hein. Ça, c'est l'avantage en plus de ce format-là, parce que tu peux comme faire durer l'entrevue autant de temps que tu veux, puis tu peux... Bon, on tourne environ à peu près 50 minutes, puis on essaye de faire entre 5, 7, 8 minutes. Au total. Au total, parce que sinon, sur le web, là, le monde, ils vont... Ouais, le monde décroche. Ils décrochent. Ouais, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Ben, je faisais du stand-up, puis je remarquais que ceux qui faisaient de plus en plus de stand-up était connu, puis il y avait un visage de « Hey, lui, on l'a déjà vu quelque part. Lui, il a fait en route vers un gala. Lui, il a fait un gala, je pourrais. » Fait que là, tu t'es dit « Je vais m'accrocher à la célébrité de ces gens-là. » T'as tellement compris, là. T'as tellement compris mon point. Écoute, moi, j'ai invité Marie-Ève Janvier, Patrick Lagacé et compagnie, et Georges Larac. Puis je me dis, ben, eux autres vont partager mes vidéos. Puis ils ont déjà bien des fans, ça m'en fait en même temps. C'est fait que je m'accroche effectivement à leur popularité. T'as compris quelque chose? Fait que si on suit ton plan de match, bientôt tu vas faire des affaires en anglais, là. Je devrais prendre des cours avant, là. Mon anglais, Each Gooch English. Toaster, yes, no, ketchup, là, tu sais. Ouais, je peux comprendre. Mais ça, c'est rare, par contre. T'es un fan de web, d'internet, puis. Je suis fan de aucunement rien en anglais. Pas que je suis pas fan. Tu comprends pas. Mais je comprends pas. C'est comme moi pour les affaires en suédois, mettons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mettons pour C'est rare, ça. Comment ça? Mais il y a des affaires en suédois que je comprends. T'as jamais joué à Donjons et Dragons, tu joues pas à Magic. Moi, j'étais pas hâte de finir les tableaux de Pokémon quand j'étais jeune. D'ailleurs, pour ceux qui me voient, j'ai un chandail de Pokémon. C'est vrai. Mais j'étais un trippé de Pokémon. Là, puis, avec Pikachu dans le temps de la cassette jaune. Oui, mais c'est justement, j'étais pas hâte de finir parce que les conseils qu'ils me donnaient, j'étais juste pas capable de les lire. Fait que je me rendais genre à deux badges, puis je pitchais mon Game Boy à terre. Ouais, t'as l'air quelqu'un de courageux. Fait que tu joues pas à Magic, on a mis ça au clair. J'ai déjà joué des trucs comme Magic ou Donjon Dragon, en tout cas, il y avait une map. Puis t'as pas appris en anglais avec ça non plus? Non, mais mes amis étaient francophones, puis okay. On se parlait en français. Oh, je t'allonge avec ça, ça veut dire que tu viens pas de Montréal? Non, je viens de la petite ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Plus tu rajoutes des Tradignons, plus ça risque d'être francophone. OK, il y a comme quelqu'un qui... On a un fan de Saint-Étienne-de-Beauharnois dans la salle. Ah, c'est parce que c'est Étienne qui... Et t'as pas allé, on est allé chercher un lien profond. Ben, oui, mais sinon, toi, tu faisais des shows avant, tu faisais du stand-up. Oui. Là, tu as décidé de faire ça, ton studio, c'est quoi? As-tu une manière spéciale de recevoir? Parce que nous, on a fait ça pendant un bout de temps. On avait comme une pièce chez nous qu'on appelait le studio de douteux.tv. On faisait des shows live puis tout. Toi, c'est plus comme... Vas-y. Mon studio, c'est à l'école Promédia qui me prête le studio. Moi, j'ai suivi un cours en 2013, okay. Une école de radio-télé pour devenir animateur. Et après, je suis allé mener mon CV, m'engager comme technicien, même si je connais absolument rien en technique. J'ai appris sur le tas. Et d'ailleurs, il faudrait pas qu'ils entendent que je connais ça. Vous l'avez entendu ici, ouais. On va l'exciter. N'inquiète-toi pas, c'est sur Internet. ça va disparaître super vite. Ouais, ça reste pas à Internet. Mais en fait, puis en travaillant là, ben j'ai déposé le projet. Ils m'ont dit, ben on peut pas peut-être pas le produire parce que ça a des coûts. Puis, mais ils m'ont dit, on peut te prêter le studio. Puis ils me prêtent le studio généreusement. Puis, on a un beau décor, c'est comme le centre-ville de Montréal. Vous pourrez aller voir. Ça, c'est cool, ça. C'est avec très le cool. Pont, tu peux-tu voir les embouteillages, ça pogne, ça. On voit les nids de poules, même. Mais ça, c'est pourquoi ils appellent ça des nids de poules? Parce que les poules nichent dedans, je sais pas. Il n'y a aucune poule dans ces nids-là. En tout cas, c'est peut-être... S'il y a quelqu'un qui le sait, s'il vous plaît, levez la main. Une étymologie, c'est le même que ça s'appelle, ça? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. Sinon, ben merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est ta première fois à douteux.org. Ouais. Est-ce que tu savais qu'on existait avant? Non, je l'ai su cet été par contre, puis depuis ce temps-là, j'ai aimé la page et je vous suis un peu. Ah, raid! Yeah. Bon, ben on va faire sûr d'inviter tout le monde à aller voir. Pas de temps à perdre. C'est sur Facebook à date, puis ouais. Tu partages surtout à partir de là. À partir de Facebook, puis on a une version courte et une version un peu plus longue sur YouTube. Mais si vous cliquez sur les vidéos sur Facebook, il y a l'option là, en voir plus, et là, vous pouvez aller voir voilà. L'entrevue un peu plus intégrale, moins courte, moins de montage. OK. Bon, ouais, c'est... Le final cut, c'est l'affaire plus courte. On aime ça. Ouais, c'est ça. On garde les meilleurs punchs pour plus court. Sinon, ben voilà, à partir de là, eux autres vont défiler. On t'invite à commenter au micro. Sens-toi à l'aise. As-tu besoin d'une bière? Ben, s'il y a une bière qui s'apporte à moi, je te prendrais deux blondes, Martine, s'il te plaît. Trois blondes. Voilà, là-dessus, on commence 70%. Go, Nick! On t'aime. Maintenant, les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Sous ce tonnerre d'applaudissements spontanés. Bruno Corbin aux nouvelles. Oui. Let's go. De retour. On a vu la semaine dernière un homme tenter de tuer une araignée en la brûlant sur le bord de son réservoir d'essence alors qu'il faisait le plein. Eh bien, un policier de la ville de Golden, au Colorado, a prouvé qu'il existait effectivement de meilleures stratégies pour se débarrasser d'une araignée. Une veuve noire a été trouvée dans le couloir du poste de police. L'agent Careno, vêtu de son armure anti-émeute, a trouvé l'araignée et l'a exterminée immédiatement. Nous sommes au courant de cette nouvelle grâce à Facebook. Donc, merci Facebook. Il a exterminé, genre, avec le gun, genre? D'après moi, plus avec le bâton, là. Ouais. Ok, tu veux dire, c'était juste ça la nouvelle. C'est qu'il y avait de meilleures manières de tuer une araignée que de crisser le feu dedans. Et puis là, ils l'ont mis sur Facebook qu'il y avait un gars courageusement habillé, full armor, qui est allé battre un monstre niveau 1, genre. Exactement. Ok, calice. Bon, voilà, on avance. Oui. C'était drôle quand tu y repenses. C'est vrai. Justement, la semaine dernière, Facebook a planté pendant plusieurs heures, laissant la population mondiale sans source d'auto-validation. Devant ce chaos, plusieurs ne savaient vers qui se tourner et ont décidé d'appeler les services de police. En effet, maintes appels téléphoniques ont été dirigés vers les stations de police de gens démunis de Facebook. Les services de police de Kingston et Houston ont entre autres émis des messages officiels affirmant qu'ils ne peuvent rien pour aider les gens dans cette situation, sauf confirmer que effectivement leur Facebook à eux ne fonctionne pas non plus. C'est super drôle, ça. Mais mes photos de chat vont survenir, genre. Je sais pas. Colin! Moi, pas de Facebook, je mens. C'est mon père, mon beurre Facebook. Fait que moi, j'étais un de ceux qui a appelé la police. T'étais un de ceux qui a appelé la police? Ouais. Mais. Bon. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Nous autres non plus, on sait pas quoi faire. Ils savaient juste plus quoi faire, nous autres non plus. Comment t'as vécu ton temps, pas de Facebook? Sincèrement, je disais n'importe quoi. Je pense que j'étais en dehors, puis je pense que j'étais dans ma voiture. Ok, tu dormais ou c'est bon? Je dormais. Fiouf. Non, mais... J'ai pas de Facebook sur mon téléphone. Je suis le seul qui a. Je suis le seul qui a entendu parler d'Instagram. Si t'avais vraiment besoin de validation à ce point-là. T'es comme t'es désespéré, tu manques de Facebook, va sur Instagram. Non. Ah! Ouais, ça prend un imam pour vous donner une solution. Twitter. C'est comme le bacon au tofu, là. C'est pas du bacon, man. Ça te sauve le temps. Moi, je paye de mon argent, là. Instagram, ils t'ont payé combien pour dire ça? Let's go, Bruno, you know. Oui, alors, c'est ça, j'ai écouté Andy la semaine passée, je me suis rappelé qu'on avait ça, alors voici la bonne nouvelle, 70%. Un homme de Ottawa voulait éviter ses fonctions de juré pour un procès pour meurtre en invoquant le fait qu'il avait des billets pour un match des Blue Jays le 8 octobre, qu'il ne pouvait absolument pas manquer. Dans sa demande écrite, l'homme affirmait qu'il avait attendu ce moment 20 ans. Après avoir lu sa demande, le juge a accepté de l'exempter de son devoir civil. Et j'aimerais qu'on scande tous ensemble un Canada! Canada! Canada! Canada! Très, très... J'avoue que c'est hot, ça. Ben oui, il voulait la game des Blue Jays. Ben oui. Mais c'est la première fois qu'ils se rendent aussi... Aïe, on s'en calisse. Let's go! Tout est fini? Non, moi, j'ai fini. T'aimes-tu ça? J'espère que t'aimes pas ça, le baseball. Je voulais juste dire que j'ai pas scandé le Canada. J'ai été le seul ici qui a pas participé au... Ouais, au tout... Non, j'aurais plus... même si je vote NPD, j'aurais plus été pour le Québec. Ah ouais, mais les deux, ils s'aiment, là. Oui, ouais, je sais. Ben oui, les réconciliations. Ouais, ils font des bébés ensemble. Comme avec weird, TVA, hein. Puis Radio-Can, puis peu importe. Ouais, ouais, exactement. On s'égare. Ouais, mais en même temps, les bébés, ça se fait pas dans le cul, Tommy, là. Écoute. Votez Tommy Godette pour Justin Trudeau. Ouais. Let's go. Là, hey, on passe au prochain. Votez Tom Godette. Oui. On passe au prochain, Nick. Salut Florence. Allô. Ça marche? Tout le monde m'entend? Oui, oui, tout le monde t'entend. Bon. Parle bien collé dessus, là. Si ça sent la bave, c'est bien. Non, c'est correct. À date, c'est bon. C'est une question de courage. C'est une question de courage. Florence, ça va bien? Ça va très bien. Et vous, ce soir? Ouais! Yeah! Oui. Ah. Alors, j'ai une belle petite chronique pour vous de ce que j'ai vu. Alors, cette semaine, j'ai vu le film Pan, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Pour le mois d'octobre, je vais vous parler d'un film d'horreur. Et, ben, c'est ça, grosso modo, du film d'horreur de Gallows. Alors, voici le résumé. 20 ans après un accident qui aurait tragiquement pu être évité, l'école où c'est arrivé décide de recréer l'événement afin de recréer l'événement, en croyant que c'est une bonne idée. Quatre jeunes épais qui veulent mettre fin à cette niaiserie découvriront qu'ils auraient dû passer une nuit tranquille à regarder des vidéos de chatons sur YouTube au lieu d'avoir plein de jumpscares et nous aussi. Attends une minute, c'est-tu un film ou une nouvelle de Bruno? Non, non, ça ressemble à une nouvelle. Ça ressemble pas mal. Ça ressemble à une nouvelle. Non, c'est peut-être une nouvelle qui a été transformée en film. Ouais, il me semble que j'ai vu ça. C'est quoi la version française? La potence. La potence. Ou Gallo pour la France. OK. Gallo. Ce que tu visites quand que tu devines pas le mot, là. Gallo. Donc, attention, il y aura des spoils. Alors, l'équipe qui va mourir pour nous et qui nous salue se compose de la première de classe, du gars sportif pas fin qui bat des nerds, du gars sportif fin mais super influençable, puis de la blonde gougoune du gars sportif pas fin. La blonde gougoune. Y a-t-il quelqu'un qui est bronzé de naissance là-dedans? Non, non, non, qu'il ne finira pas sa vie dans les 15 premières minutes. Okay, non, ça, va. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait un petit pot d'abord. Non, pas à ma connaissance. Oh, let's go! Oui, c'est un film. C'est un film un peu lisse. Il est un peu paresseux, là, ce film-là, je dois dire. Là. Donc, voici ce que j'ai appris. À peu près tous les étudiants de l'école secondaire Béatrice sont âgés entre 20 et 27 ans. Rien ne va jamais se passer si on utilise un échafaud fonctionnel pour une pièce de théâtre. C'est sûr. Pour impressionner une fille, il faut saboter une pièce de théâtre dans laquelle elle joue. Ça, t'es sûr, là, de pogner. Ben, tout le monde est là. Tous les personnages ont été réunis pour une scène. Là, tu veux impressionner exact. Tout le monde d'un coup. Ben, exact. Ouais. Pourquoi pas? inviter l'ancienne blonde un peu louche du gars qui est mort de façon tragique il y a 20 ans à venir voir la même pièce de théâtre finira par être louche pour de vrai. Se filmer tout seul dans sa chambre va nécessairement inclure un crise de jumpscare. C'est vrai, c'est... ça. S'il y a encore plus, s'il y a comme une porte d'armoire ou quelque chose d'impliqué, un miroir, t'es fait. Un là, miroir, t'as, tu peux en avoir une porte, deux, une mère qui crie, whatever. Ah, ouais. Dans cette école-là, les étudiants sont obligés d'avoir des téléphones cellulaires qui torchent côté résolution et qui filment pas à la verticale. Moi, je me dis, quand ici? Un jour, peut-être. Le corps humain, en cas de panique, avec un téléphone ou une caméra portative entre les mains, c'est parfaitement cadrer les faces qui pleurent ou qui crient. Si t'es assez raisin pour revenir dans une école avec un passé trouble pour jouer avec ce qui a causé le passé trouble, surprends-toi pas que des choses troublantes arrivent quand t'es là. C'est sûr. Dans un ben film... même tu dois quand même être content à un moment donné là, ouais. Finalement tout ce temps pas pour rien, je vous l'avais dit. C'est comme Linus, s'il voit Grand Citrouille passer pour vrai, il va péter. Il devrait peut-être appeler Simpson, on sait pas. Calisse, man. Dans un film d'horreur, les gens parfaits qui ont peur ensemble risquent tous d'attraper la maladie connue sous le nom d'être con dans un film d'horreur aigu. Ce qui m'amène au prochain point. Se séparer va nous aider à couvrir plus de terrain. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Là, il est de nuit, on a une spot, écoute, on réagit. Exactement! J'ai entendu un bruit bizarre, je vais aller vérifier tout seul, rester ici. Exactement, ouais, ouais. Se séparer va aussi permettre à la chose qui nous court après de se sentir valorisée dans ce dedans surnaturel en aidant une personne à finir ses jours de façon peu paisible. Toute la psychologie, là, les fantômes en ont besoin aussi. C'est donc bien bon, ça! Voir la chose finira par nous faire regretter le fait qu'elle ne reste pas la chose qu'on ne voit pas. Ça, ouais. C'est un problème récurrent de films d'horreur. Ça, c'était beau. C'était beau. Ouais, hein, c'est, il y a c'est deux, trois phrases que tu te relis, hein, toi? Oui, je me dis ça. J'aime ça, j'aime ça. Yes. Les choses surnaturelles n'aiment pas les personnes qui pleurent tout seul dans le noir. C'est, ouais. Ou ils vont lui donner vraiment beaucoup d'affection. Oui. Un gros câlin. Ouais. Paisible. Quand tu pars avec deux caméras téléphone portables qui enregistrent des affaires, c'est normal d'avoir une troisième caméra nowhere dans un film d'horreur. Peut-être celle du fantôme. Il y a peut-être un compte YouTube. Le concierge qui n'adore jamais, genre, ouais. De ouais. Les écoles secondaires n'ont pas de fenêtre outre celle qui se trouve à 7 pieds du sol. C'est un lecteur VHS qui joue des VHS inexistants. C'est un signe de normalité pour certaines personnes. Puis malheureusement pour nous, ces quatre mêmes personnes-là sont dans la même pièce. Les personnages de films d'horreur ne sont pas immunisés contre la gravité. Puis des fois, un ouais. Ouais, pas surtout juste quand il y a fois. Un fantôme d'impliqué. Puis un échafaud fonctionnel. Je dis ça de même. Spoiler! Spoil! Donc, la madame louche du début va rester louche à la fin. Envoyer des policiers à 2 jours de leur retraite dans une maison random qui a clairement rapport avec l'histoire, c'est non seulement une façon facile de ne pas payer de dite retraite à ses employés, mais c'est aussi une façon de finir un film d'horreur. Donc, la morale, c'est plus rentable en termes épeurants de vous dire que vous avez stationné votre char près d'une borne qui marche plus, puis qu'en sortant, vous allez peut-être avoir une amende salée collée sur votre pare-brise que d'aller voir ce film-là. Puis, est-ce que j'ai eu les jumpscares? C'est vrai, ouais. C'est pas une tactique pour faire peur. On appelle ça, nous autres, les passes de chat. Des passes de chat. Mais, ça peut être une passe de chat avec une maman qui crie ou une passe de chat avec un fantôme. Il y a des passes de chat avec des chiens, des fois. Oui, ouais, oui. Ça. Ben, dans ce film-là, il y a beaucoup... C'est weird, ça. C'est, ben, écoute, ça arrive. Là, du rouge à lèvres brun. Du rouge à... Dans ce film-là, il y a beaucoup de passes de chats, mais avec des téléphones cellulaires qui marchent plus, qui sont pas sûrs. Ah oh ouais, me semble que j'avais vu ça. Merci beaucoup, Florence. Ben, de rien. De toute beauté, merci. Oh oui. Un amateur de cinéma? De cinéma, mais de films d'horreur, non. Ah ouais, hein? J'ai horreur des films d'horreur. Genre, le dernier que j'ai écouté, c'était genre, j'avais tout 10 ans. OK, mais t'as réessayé, là. Il y a des affaires que j'ai faites à 10 ans, moi, puis qu'à cette heure, j'aime, là. Ouais, non, ok. Comme le brocoli, mettons. Ouais, ok, t'sais. Non, le brocoli, ouais, c'est vrai. T'as raison, j'aimais pas ça, puis là, j'aime on, ça. Ouais, un bon film d'horreur. Ok, bon, là. On se claquera ça après. C'est bon, on va trouver de quoi, on va trouver de quoi. Tout va d'esprit, on aime ça, on aime ça. Ouais. Ben, ouais. Genre, film d'horreur, ça compte-tu pour un film d'horreur? Non. Oh. Ben oui, mais. Mais moi, genre, j'ai ça, c'est ça. J'ai peur dans un film de peur. Ouais. Tu vois le genre? Fait que imagine, genre, d'autres films que je peux pas de nommer. Mais tu sais, c'est un peu ça le but. Non, mais film d'avoir de peur. Peur. Ouais, mais film de peur, c'est une parodie. Oui, je sais, mais quand même. Ouais, c'est ça, mais j'aime pas. Ok. T'aimes pas ça avoir peur? Non, c'est ça. J'ai fait La Maison Rouge à la ronde. Là. C'est genre des clowns. Puis je sacrais tellement tout le long. Puis le clown en est sorti. Il a fait hey, arrête de sacrer Jésus-toi. Arrête de me faire peur. Non, c'est toi! Mais toi, toi, la faute était sur lui. Non, c'est ça. Ça, c'est mon genre. C'est cool. Ça, j'aime ça. Tu vois, il en a parlé à cœur ouvert. C'est important, ces affaires-là. On passe au prochain chroniqueur, mon cher. C'est drôle qu'il y a juste plate qu'il n'y a pas assez de monde pour que ça fasse vraiment comme un match de lutte. Ouais, non. À ce soir, le monde est fatigué des élections, puis le hockey recommence. Là. Une non, affaire non, plus à fort! Toi. Wow! Ouais. Ah, merci, merci. Salam alaikum, Québec! Alaikum salam! J'aime ça. C'est le processus de conversion. On fait ça étape par étape. OK. Fait que t'inquiète pas. C'est bon. Petite note, film de peur, c'est pas un film de peur, c'est un film d'horreur. C'est oh! Une... Ouais. Oh, okay. C'est carrément un film d'horreur. Quand tu regardes ça, c'est normal d'être horrifié. Ouais, ouais, c'est ça. Le, ouais, je comprends. Sentiment tout à fait régulier. C'est vraiment pas bon. Puis arrête ouais, pas. C'est ça. Puis aussi, pour ceux qui se demandent, la traduction officielle de spoiler, c'est aérofrein. Je l'ai cherché pendant que je faisais une critique. Non. Oui. Ben non. Oui. Aérofrein. Des aérofreins. Ouais. Comme à Laval. Là. Ah, déjà, c'est mieux, ça, divulgacheur. Je préfère aérofrein. C'est un gâcheur. Ouais. Ben, ouais. Puis aussi, pour Nitpool, je suis allé chercher une explication. Ah oui, s'il te plaît. Ça va un peu avec le passé fermier du Québec. Très brièvement, les poules dans les basses-cours vont creuser des trous. Ça va servir aussi comme un bassin pour se laver. OK. Fait que comme un nid de poule dans la c'est rue, ça fait un c'est trou. C'est comme si les autres avaient creusé dans le chemin. Les sans-abri pour se laver, ouais, c'est ça. Poule, hein? Parfait. Hein? Hein? Les poules, hein? Toutes des hosties de poules. Fait que ce soir, on va pas vraiment te parler de politique ou d'hommes blancs. Je les aime, les poules. Hein? On va faire un petit peu changement. On va parler de leur avion à la place. OK. Fait que, évidemment, toute l'affaire est en train de se passer. Les grosses érections canadiennes sont oui, en train de se ça bouger. Branle, c'est live. Ça branle. Puis là, tout le monde. Les grosses érections sont en branle. Non, c'est ça. Allez. Pour ceux qui n'avaient pas, ouais. Ouais, merci. Puis là, tout le monde est dans les airs, tout le monde s'envoie. Parce que c'est bon, c'est ça. Ouais. J'ai pas besoin de l'expliquer. On va continuer dans le même parfait. Concept. Exact. Ça. Fait que j'ai regardé les avions, puis parce que je me disais, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils choisissent, qu'est-ce que ça représente pour les partis. J'ai regardé juste les quatre partis qui sont les plus prévalents au Québec. Donc les conservateurs, les libéraux et les conservateurs libéraux, NPD et Bloc. On parlera pas de... Mais là, t'es... Ouais, ok, ouais, c'est ça. Eux, ils n'ont pas d'avion, ils sont tous à vélo. C'est vrai. C'est au minimum, c'est ça. Pour ceux qui se demandent, les conservateurs, ils ont un Airbus A319-100 de Air Canada. OK, tu nous parles des avions ouais, des partis. Ouais, ouais, je te parle des avions. OK. Ouais, non, c'est carrément ça. moi, j'ai une image très claire là, quand tu viens de me dire ce que tu viens de me dire. Là. C'est un bel avion. Ben, okay, non, pas vraiment. C'est pas le plus bel c'est pas le plus beau des avions. Mais il est quand même beau. Mais quand même, ben... Ouais. Attends, laisse-moi te parler de celui des imagine des, un avion, là, pas pire. Ouais. OK. Pas pire cute de l'extérieur, mais pas tant que ça. Okay, c'est à l'intérieur qui compte. Oui, c'est vrai. Fait que c'est un avion next door, là, genre. C'est ça, hein? Okay. Si ton voisin coûte quelque chose comme 116 millions, oui, ouais, tout à fait. C'est, bon. C'est la même affaire. Évidemment, tout payé avec nos taxes. Fait que, on applaudit les conservateurs pour cette dépense. Slow clap. Non? OK. Non, c'est correct. On est Airbus, c'est une compagnie française. Oui. Donc, la meilleure compagnie pour représenter un parti qui est très rétrograde, qui joue par la peur de l'étranger, puis qui arbore des couleurs de drapeau qui sont bleu, blanc et rouge. Donc, je pense que c'est un bon lien entre les deux et les Canadiens de Montréal. Donc, On a des fans des Canadiens de Montréal. On a des fans des Canadiens apparemment. C'est un avion qui a pris le premier vol le 24 août 1995. Fait qu'il est dû pour s'écraser. Puis l'envergure des ailes est de 34 mètres. Fait que ça pogne. C'est bon de savoir si ça va là. On parle encore de l'avion des conservateurs. Oui, oui, oui. C'est celui qui a le plus d'informations. C'est ridicule. Ça a été le plus facile à trouver. Moi, je me dis 34 mètres, c'est bon à savoir si jamais tu as besoin de t'atterrir comme Nicolas Cage en plein milieu du centre-ville, d'une ville quelconque. Moi, je prendrais 42 mètres. Tant 42? Oh, ouais, okay. Mais le problème, c'est parce que le A300... Ben, celui-là, là. Le A319, c'est une version plus petite du A320. Fait qu'il est... De un plus petit. C'est ouais, ça. Fait genre, qu'il est fait pour être moins... voler moins long. Il peut avoir jusqu'à 120 sièges. Siège? Qu'est-ce que c'est que mettre siège? Ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens, mais on s'entend qu'il va y avoir quelque chose comme 4-5 personnes. Parce que Harper... Poulet ou poisson? Je sais pas. Ils ont pas me parlé de ça sur le site d'Air Canada. Par contre, il est accessible par chaise roulante. Est-ce qu'on a fini bientôt? on s'en vient là-dessus. Moi, le bout qui m'intéresse le plus personnellement, c'est le cargo, la capacité de cargo. C'est à peu près 2000 kilos. Donc, à peu près, si on estime vaguement, 12 barils d'explosifs. C'est 159 litres le baril. Donc, faut savoir ces informations-là. Puis en plus, il y a une capacité maximum de 24 000 litres de carburant. Fait que ça coûte combien ça? Ça, c'est, il en parle pas. On sait que ça coûte cher, c'est tout. Ok. Mais une fois que c'est dépensé, ça sert. Ça, ils l'ont acheté ou ils l'ont loué cet avion-là? J'imagine que c'est Air Canada qui le loue. Ouais. Parce qu'on s'entend débourser 116 millions d'un coup, c'est quand même extrême. Mais moi je laisse rien en dessous des conservateurs. À côté de ça, il y a le sérum de pureté qu'ils ont mis à Justin, ça lui permet de courir super vite. Exact. On va arriver à Justin dans un instant. Mais moi, une autre affaire qui m'intéresse vraiment, c'est il est capable d'atteindre une distance maximale de 4442 km. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Canada, c'est à peu près 7000 km ouais, d'un gros bout à l'autre. Ouais. C'est pas pire. Donc, ça veut dire qu'à la vitesse qui va, ce qui est 837 km à l'heure, tu peux facilement faire un voyage Vancouver jusqu'à Ottawa avant de ne plus avoir de carburant et de devoir atterrir de force. Et voilà. Donc, tu peux sauver un die-hard. Tu peux sauver bien des affaires. Ben oui. Les libéraux, eux, c'est par contre, ils sont allés pour quelque chose d'un peu plus classique. On va-tu faire les quatre parties, là? Presque. Je dis adieu à l'avion des conservateurs. Ouais, on parle des conservateurs. Ok, c'est bon, next. Eux, les libéraux, sont allés pour quelque chose de plus classique. C'était un Boeing 737 de Air Transat. Puis on se souvient que Air Transat, c'est une compagnie qui offre un service de merde, qui abandonne ses passagers, puis il n'y a pas de service à la clientèle. Fait que je pense que c'est un beau mariage entre les libéraux et la compagnie. C'est un avion qui a pris le premier vol le 9 avril 1967. Donc, 2 ans avant que l'homme ait marché sur la Lune, 19 ans avant que Challenger explose, et 5 jours après que le père de Justin Trudeau soit devenu ministère de la Justice. C'est pas pire? C'est tout des bons chiffres. C'est toutes des affaires qu'on peut retrouver sur Internet. C'est super important. J'espère que ça sera pas à l'examen parce que je prends pas de notes, moi. C'est le temps, là. Okay. Combien de temps à Star Wars, c'est la seule chose qui compte à savoir. Une autre affaire. Let's go. Ça, c'est un avion qui coûte 118 millions. Point. 118. Il y a NICAB là-dedans? Let's go, accélère là! Essaye pas de voiler les faits. Ça fait 8 minutes qu'on entend parler d'avion. Ok, fait que lui, il a moins d'informations. Fait que tout ce que je sais, c'est que l'envergure des ailes est un peu plus grande, puis un vol maximum de 4300 km. Bon. Puis ils me disent pas c'est quoi le poids maximal, fait que je sais pas combien de barils que je peux rentrer là-dedans. Et voilà. Mais un jour, on va le savoir. C'est sûr. Le NPD, y a rien à dire. C'est carrément le même avion que les conservateurs. Fait que c'est comme si le NPD jouait le même jeu que les conservateurs tout le long, puis que c'est même plus le même parti depuis que Jack Layton est mort, puis qu'on se fait tout fourrer sur tout le long de la file. Par contre, les gens scandent. Je suis le seul qui est issu du nom de l'avion, le Air Mulcair. J'aurais préféré. Ouais, il aurait pu l'appeler ça le Mulk. Juste le Mulk Air ou le ou le Mulk Air Force One. Ouais. Ou n'importe quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est un build-up vers une joke, on est-tu rendu au bout? Le dernier, c'est le bloc. Finalement, hein? Le bloc québécois, ils ont opté d'aller pour une montgolfière. Non, c'est parce que le bloc a décidé qu'à partir du moment qu'ils vont être élus, la nouvelle capitale va être Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je suis un peu déçu, il aurait pu y aller pour un dirigeable parce que t'es tant qu'à être un vieux parti lent qui va juste s'enflamber à l'atterrissage, j'irais pour quelque chose de plus classique. Mais ça, c'est juste moi. mais l'idée que tu peux pas y donner une direction, par exemple, en plus, fonctionne bien avec le non, le ça, c'est, par contre, c'est, au moins, c'est assez relié. Il n'y a pas de direction, ça va nulle part. Puis, tu sais, ça sert à fuck all, essentiellement. On a quelqu'un dans la salle qui fait noter qu'il faut que tu relâches du poids aussi. Montgolfière. C'est bon. Bon, on a fini de parler d'avion, fait que faites ce que vous voulez, votez pour Tom. Ah oh, oui, c'est sûr. Godette, là, pas l'autre. C'est sûr. Merci beaucoup, ouais, Mustapha. Aïe, aïe. C'était... D'habitude, c'est pas aride comme ça. Là. D'habitude, on parle pas de modèle d'avion. T'es-tu un fan d'avion? Non, mais je comprends ça parce que j'ai l'ancien chum de ma cousine s'appelle Mustapha. Et c'était des propos tout le temps comme ça. Là, Hein? Ça rentrait d'une oreille puis ça sortait par l'autre. Il utilise le mot... C'est des blagues. Ils utilisent le mot « T » eux autres. Là, tu sais, genre, c'est des... Ouais. Non, mais en fait, moi, je me fiais sur Mustapha pour éclaircir mon vote et ça l'a vraiment aidé. Je vais voter pour toi, Tom. C'est bon. Je suis content de l'entendre. Ah, de rien. On peut passer au prochain. On a fini notre job avec celui-là. Je pense qu'on a un invité spécial, hein? Oh oui. On a le grand Crotal. Oh, grand Crotal! Très majestueux, coiffé d'un turban. On reconnaît l'œil de la connaissance sur la poitrine. Grand Crotal, bonsoir. Crotal. Salut. L'énergie est universelle dans la trigonométrie du spectre. L'arc-en-ciel énergétique est une dragée de plaisir dans mon cortex néolibéral. Au fur et à mesure que je parle, vous allez sentir votre esprit ramollir. C'est à cause que le centre de votre influx nerveux s'est déplacé dans le cortex droit. Ce soir, parce que je sais que certains détracteurs sont venus à douteux.org pour dire que la magie, c'était seulement faire apparaître des ballons dans ses shorts, j'ai décidé de vous montrer que la vraie magie n'a pas besoin d'accessoires pour exister. Grand Crotal va exécuter son premier tour. C'est pour ça que j'aurais besoin de quelqu'un qui, dans sa vie, aurait eu un traumatisme psychique d'origine physique. Quelqu'un quelque part, que je le connais pas. Il a mal quelque part. Oui, où as-tu mal? Salut le crème, oui j'ai bien mal, un bras chauffe, ça m'empêche de jouer allègrement, j'ai une tendinite. Dans notre monde, les malaises sont légions, comme l'ennemi descendant de la trigonométrie de l'esprit. Accumuler l'énergie. Demeure assis, s'il te plaît. Convection du Nexus, projection! Comment tu te sens? Ça me sent bien, Grain. Magie réussie. Tu l'as réparé! Wow, un miracle! Les voies lactées au lait sont réputées pour être des céréales très spéciales. Il s'agit d'une boîte de céréales que l'on peut manger sans lait et qui goûte le lait. Je vais demander à Bruno de les tester pour moi et de me dire si ces céréales goûtent le lait ou non. Qu'est-ce que tu penses des voies lactées au lait? Ça goûte vraiment le lait. Voilà pourquoi c'est des voies lactées au lait. Ai-je besoin d'explication? Grand Crotal, votre sagesse est grande. Comme une bibliothèque de Borges. Il y a quelqu'un en littérature à l'UQAM dans la salle. Trêve de plaisanterie. Nous allons maintenant parler du vortex incandescent qui fait apparaître les objets à la source même de la lumière. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire apparaître dans notre dimension temporelle un objet qui viendrait de la quatrième dimension. Pour ça, je vais avoir besoin de votre concentration et que vous fermiez tous vos yeux en même temps. Que vous tendiez vos mains vers l'avant et que vous répétiez après moi. Tout le monde, on ferme les yeux. Regardez-moi à l'intérieur avec votre troisième œil. Avez-vous vu la vidéo de Back to the Future Illuminati? C'était vraiment bon. Concentrez-vous sur votre pineal. Et répétez après moi. Ulugulum alagazam. Objet 3D vient dans mon 4D à moi. Et dès maintenant, objet 3D dans mon monde en 4D. Crie si tu apparais! Oh! Je crois que quelqu'un a trouvé quelque chose. Il s'agit d'une dame. Est-ce qu'elle peut venir à l'avant? Donc, qu'avez-vous ressenti? Une chose m'est apparue! À l'intérieur? À l'intérieur! On va maintenant faire goûter à Tommy s'il s'agit vraiment d'un objet de la quatrième dimension. Si Tommy pourrait le goûter et nous dire s'il vient réellement de la quatrième dimension. Ai-je besoin de renchérir sur le pouvoir de la magie et de la dimension intellectuelle du langage? Lorsque vous verrez le prisme, communiquez à votre intérieur et dorénavant, suivez les lois de la trigonométrie de l'esprit. Merci, Grand Crotal. C'est vraiment... Wow, hey, Tommy, pour ceux qui n'ont pas vu, tu viens de sucer un dildo. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Avec des cœurs, il est veiné, il est en vitre. Puis il goûte quoi? La quatrième dimension. Oh! Sinon, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais ça, il va peut-être tomber par terre, ça a l'air de valoir cher. Là, ben, ça vient de la quatrième dimension. Ça vient du cœur. Ouais. Ça vient de l'intérieur. Hey, on est rendu après Damien, on fait la pause, c'est bon, fais ça vite! Siècle 21, l'urgence monte le ton. Ça devient difficile de rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur radioh2o.ca et contribuez vous aussi à être la différence. Pour que jamais ne s'estompe nos sourires, on se parle parce que le temps est venu d'agir. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. L'espoir c'est toi. Merci beaucoup à Chinook, notre danseur de résidence. Oh oui, de toute beauté. Je pense que ça nous amène à notre petite blague de Étienne, mon cher Nick. Let's go. Ça teste-tu? Ah, voilà. Ah oui. Alors, le petit joke aujourd'hui. Le micro marche-tu? Ah voilà. Ça marche? C'est après qu'il faut que tu... Go, go, go, that joke, okay. Go! C'est quoi la différence entre une pizza brûlée, une bière congelée, une femme enceinte? Il n'y en a pas. C'est yep. vrai. Dans tous les cas, je me suis porté, je l'ai pas tiré à temps. Okay. Go next! OK. Trois bonnes sœurs qui s'en vont à confesse. La première voit le curé, elle dit « Mon père, je m'accuse d'avoir vu le pénis de Monseigneur. » Le prêtre, tout offusqué, lui dit « Va te laver les yeux dans l'eau bénite. » Pendant qu'elle se lave les yeux, la troisième va la voir et elle demande « C'est quoi tu fais là? » Elle dit « Ben, j'ai vu le pénis de Monseigneur, fait que je me lave les yeux. » Fait qu'elle va voir la deuxième puis elle dit « On peut-tu switcher de place? J'aurais envie de boire l'eau bénite avant que tu te laves le cul dedans. » Oh! Méchant party hier soir, mon temps, hein? Ah oui, ben oui! J'ai pas compris pourquoi tu m'empêchais de prendre un taxi pour rentrer chez nous. Tu parles du party qui était chez vous? Ah oui, c'est ça. Okay. Il l'avait préparé! Hey, tu lèves la pointe, mesdames, messieurs! Bon soir! Hey, Colin, je suis content de vous voir. Je voudrais juste dire avant de commencer, hein, moi, l'essence de ma mission sur Terre, c'est unir. Hein, unir les gens, unir les choses, unir les idées. Je sais ça, moi. Je sais pas pour les autres, si vous le savez, mais de tout cœur, je vous souhaite cette merveilleuse rencontre avec vous-même. Ouais, mon buvard est embarqué, je pense. Ça va bien. Cette semaine, j'étais assis au comptoir d'un de ces bars de quartier où l'odeur de la virilité frôle trop souvent celui du déni. Et j'ai entendu ceci. Aïe, paraît très que cette semaine, la Terre a arrêté de tourner. Je suis comme quoi? Et là, la Terre a arrêté de tourner. Tu sais, il y a tout de suite, il y a dans ton oreille, il y a quelque chose de suspect. Et là, t'as sa chum qui répond, « Ah ouais, combien de temps? » Là, l'autre a dit, « Près genre 10 minutes, là. » Et là, je me retourne tout excité à quand le punch de cette blague. Il n'y avait pas de punch. Il n'y avait pas de blague. Ce n'était pas une blague. La personne racontait ça à l'autre, puis l'autre prenait tout ça comme ça, puis à la fin de la discussion, elle fait « Hey, c'est capoté, hein, palais, les affaires fucked up qui arrivent quand on s'en rend pas compte. Ah, Jess m'a texté. » Tu vois que... Man, si la Terre avait arrêté de tourner une seconde, hey, on serait au courant, on serait mort! Ouais, ouais, il y a un rapport à ça, il y a un rapport à la mort. Penses-tu qu'elle aurait fait un bruit de break? Ouais, je sais pas, une grosse lumière jaune. Deux shots, là, ouais. Tu sais. Il y a juste le monde au pôle qui meurt pas. Ben, il paraîtrait. En fait, paraîtrait que si la Terre arrêtait, on serait projeté vers l'est à plus de, 1600 km/h. Imagine ceux qui sont sur la glace. Paraîtrait. Ça glisse en plus. 2700. Imagine si elle avait lu le post au lieu d'obtenir juste deux mots sur son mur Facebook. Ça va être un peu cool. Il est noir là. Parce que moi je l'ai lu le post, j'étais allé voir la vidéo, super intéressant. Je 10 minutes, man! 10 minutes! La Terre arrête 10 minutes! C'est plus 1-0 pour le raisonnement là, tu sais. 0-1. En tout cas. En même temps, non, je le sais, Glenn, on est en 2015, on n'est plus obligé d'avoir ça, un raisonnement. C'est. Yeah! C'est mieux un following. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai aucune idée depuis quand les lois sont passées sur le raisonnement, là, mais c'était certainement une recommandation du premier ministre, hein, à son ministre de la Culture, qui lui passa le dossier à son sous-ministre, hein, lui-même faisant appel là, à un sous-traitant payé par le cabinet. Afin de rédiger ce que plusieurs nommeront la fin de la culture canadienne, Tony. Gros dossier. Oh, j'avais rien à faire. Ce qui nous mène au premier truc pour survivre au siècle présent, ne plus nommer personne. Politiciens, personnalités publiques, handicapés, animaux du voisin, personne, Tommy. Surtout handicapé. Handicapé, non. Non, malformation non plus, c'est à éviter. Non, c'est vraiment... En tout cas, ma gueule, bon. Ministre, avocat, chanteur rock qui ressemble à du gingembre. Suffit de peu, Tommy, pour deviner le poids d'une souffrance difficile ou d'un commentaire blessant pour l'idéologie d'un parti. Un ministre répondrait à ça. Nous d'avant, Plantagenet, tous femmes d'avis. Chacune a droit à la respect. Répondrait ça. On comprend mieux pourquoi hein, le caméraman qui participait à une prise d'image du Parti conservateur aurait plutôt dû demander Monsieur le Premier ministre, Monsieur, excusez, avez-vous vu à quel point vos adversaires politiques se montrent impitoyables en accusant de fraude un de vos ministres qui, jusqu'à preuve du contraire, est innocent? Peut-être que s'il avait dit ça comme ça, il se serait pas fait démettre de sa fonction. Mais, ce fut quand même dit, qu'il ne sera plus la bienvenue dans l'avion du Prime Minister. Because we have these motherfucking laws behind us and we are fucked! You are fucked! Fuck now! Fuck! Fuck! Fuck! Ce qui nous mène au deuxième truc de survie au siècle présent, s'instruire. C'est quoi ça? Difficile. Presque insurmontable. S'intéresser à autre chose que prendre des selfies en attendant que la journée de job finisse pour mieux aller se sentir le cul d'un bar pour finir frustré à se branler sur Netflix parce que le gars que t'as ramené a trop pris de coke. Bravo les enfants forts! En tout cas, moi je parle pour moi, je sais pas pour les autres dans le Eureka! Eureka aurait reçu Newton avant d'inventer l'expression tomber dans les pommes. Mais nous, dans la désinformation, bousculés dans la roulette de la vie qui tourne et tourne sur une roulette qui elle-même tourne et tourne et tourne, nous préférons Yabada Badou, Watatatao, Shamba Wamba. Pas étonnant que le premier ministre promette par un communiqué officiel de doubler la population de pandas géants d'ici 2016. C'est vrai, ça c'est une promesse officielle. Puis le rhinocéros n'a rien à voir avec ça. Le rhinocéros, vous autres, vous vouliez pas la doubler, tu sais, vous étiez quand même peut-être un qui va survivre. Vous autres, c'est doublé, les deux vont survivre. Faut dire que la femelle est déjà ensemble. On se le cachera pas. Précisant que le plan d'allègement fiscal et d'équilibre budgétaire pour protéger l'économie canadienne assurerait un approvisionnement constant de bambou et d'autres gâteries pour Hershun et Damao, les deux pandas accueillis en 2013. Je le sais, j'ai tué pour moins que ça. Mais vu que c'est des pandas prêtés par la Chine économiquement en ce moment, c'est beaucoup plus profitable d'en parler que d'y tuer. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon contact au gouvernement pour les contrats. D'ailleurs, la semaine passée, deux gars du parti habillés en noir avec des guns, ils viennent me voir en plein milieu de la nuit, samedi après-midi de surcroît. Oui, une nomenclature. Ouais. Monsieur, on vient vous proposer une liste de 400 personnalités du web québécois qu'il faudrait surveiller pour le parti. J'ai dit franchement, depuis que vous êtes rendu aussi con, bang, bang, je les ai descendus, laissé ça traîner, pogné mon stock, puis je suis parti au chalet, Tommy. Mais là, j'étais sur la liste! Et pas juste moi, toi, Eric Cartman, mais Cartman, lui, je pense c'est pour ses bons conseils. Ça fit, ça. Ouais. Toi, lui, toute l'équipe de 70% était sur la liste. Enfin, ouais. Hey, personnalité du web à surveiller! C'est comme gagner un prix. Ça va peut-être vous aider avec les filles. ils m'ont pas nommé personne. Je pensais peut-être que vous en invitiez parce qu'il y en a pas beaucoup dans Réunion aussi. Non, c'est vrai. Excusez, avec les spotlights. Une, c'est pas beaucoup. Une dans la gang, ça va faire un gang bang. Mais on est-tu obligé d'avoir des filles sur le stage ou... Non, mais c'était okay. Parce que tu voulais pogner des filles. Ouais. Ils sont libres hein, dans notre gang, les filles, ils font bien ce qu'ils veulent, ils se mettent le drap qu'ils veulent sur la tête. La ça, couleur, c'est notre première veulent. Erreur. C'est notre première erreur, tu vois? Non, c'est continue. Ben, ce qui nous mène, Tommy, à en terminant. Non, je sais, ça fait aucun sens. Je te parle de politique cette semaine. Moi, si t'avais compris. Que l'on vote libéral vers Bloc NPD, mais que l'on vote, Tommy, comme t'as dit au début, que l'on vote. Parce que pendant qu'on joue à être le plus débile entre nous autres, on veut-tu se réveiller en 2015 ou en 1984? Oh! Référence à Orwell. LOL! Les deux, tant qu'il y a des pandas! Ben, tu veux vous dire, mesdames, messieurs? Internet! Salut! Internet! Ta gueule! Ta gueule! Ouais, ben, je vois que c'est cool, ça va? C'est à ta place, hein? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, gros voyage! Oui, ça fait à peu près 2 mois. Ouais. 2 mois, puis je vois que le Québec, c'est n'importe quoi, un peu. Il y a Jean Tremblay, il se représente plus au Saguenay. Il y a un chanteur, oui, Mayol, comme tu dis si bien. Je parle pas des chanteurs en vogue en ce moment. Ils font des procès et tout ça. Puis il y a Andy qui déménage. C'est vrai, ça va. Mais surtout, il y a ces histoires d'élections. Chez Bernard Tché. Strictement rien, la plupart du temps. Mais j'ai vu que tu t'engageais et tout. Ben oui, je suis candidat. Genre Renaud Séros et tout. Ouais. Genre couverture du magazine, attends, je vais noter quelque part. Sauf film, hein. Chez nous, ouais. ça va pointer loin. Mais alors, on rigole, on fait des petites vidéos, hein, Tommy? Des petites vidéos anglo, des petites vidéos françaises, hein. On se rend la gueule. Mais moi, je rigole pas. Ah bon? Non, je rigole pas parce que, comme à peu près pas mal de monde au Québec en ce moment, je me rends compte que c'est l'argent de nos taxes qui paye vos petits amusements électoraux. Hein? On est à peu près 264 000 à payer vos petits amusements, vos petites campagnes et tout ça, c'est marrant. Ah ouais. Je trouve ça cool. Donc je me dis, pourquoi pas y aller franco, j'ai envie de m'amuser aussi. Puis j'annonce ce soir au Bois, officiellement, que je rentre dans l'élection aussi. Et que je vais me présenter avec le bloc copieux. Le monde applaudisse avec réserve, j'aime ça. Bloc copieux, hein, ça c'est bon! C'est mieux que bloc rectal. Une trame sonore enlevée. Peut-être le bloc cuisse, ça serait bon aussi. Donc, le bloc copieux. Oublie pas de venir voter. J'ai pas 4 ans non plus pour vous parler du programme que j'ai établi hier soir en une heure avec mes conseillers, avec ma conseillère Deschamps d'ailleurs, que je remercie au passage. Alors, pour commencer, un des premiers gros trucs qu'on va faire avec le bloc copieux, c'est qu'on va faire un plan national. Parce que est-ce que le Canada a un plan national? Oui. Un quoi? C'est d'empêcher le Québec d'avoir un plan national. Oui, je sais, j'ai pas l'accent. Désolé. La spirnouche ou... Non. Le plan national sera comme sur notre logo, du bord. Un plan? Du bord. Oui, ce sera un plan national. Pourquoi? Parce que les Canadiens veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul d'Harper. Telle est la devise de notre parti. Donc, ça, ce sera la première décision si jamais on accède au pouvoir. Ainsi, toutes les entreprises de margarine devront changer la couleur de leurs produits pour ne pas troubler le citoyen moyen dans ses actes de consommation. Donc, il sera imposé que la margarine sera de couleur bleue. Dans l'éducation, donc on a décidé d'intégrer 4 nouvelles matières au primaire. Comme ça, réparation du français. Réparation. gastronomie non lipidienne pour essayer de vous faire découvrir d'autres types de gras, donc essayer de vous faire voir d'autres choses que du bacon, et donc la cuisine au beurre. Il y aura des cours, il y aura des cours de magic en primaire aussi. Ça, j'aime ça. Personne joue, tu sais. Mais justement, vrai, justement, dans quelques années, là. Ben ouais, on a des magic à la mode. Les enfants claqueront leur argent dans les magic plutôt que la drogue, ça c'est un fait. Aussi, on limitera les grossesses à l'adolescence car les gamins seront tellement fixés sur les cartes magiques et l'obtention de cartes rares dans leur booster qu'ils penseront à autre chose que de faire du touche-pissou dans la cour de récréation. Les filles claqueront plus de fric dans leur maquillage, on assistera à une baisse de l'hypersexualisation des filles. Grâce à Magic, j'aime ça, ça se suit. C'est comme une drogue. Ouais. Pardon, j'ai pas dit ça. Aucune faille dans ton plan. Aucune faille, tout marche bien. Et surtout, il y aura une heure de doutologie au primaire pour éveiller l'esprit critique des enfants afin qu'ils puissent tous répondre à cette réplique universelle, Nicolas. Tu veux trahir la loi ? La loi ! De 5 ans qui répondrait à ça. Enfin, il y a un projet national. Enfin, il y a un projet national. Ensuite, niveau religion, le niqab, on l'a trop entendu. Hashtag niqab, c'est trop. Donc, on va appeler ça le nakroub. C'est comme ça, tu changes le nom qu'on je a. Change, rien à foutre. Okay, bon. je suis allé, je vois un niqab à TV, j'entends. Hey, t'as-tu vu le niqab, machin? Vos gueules, nakroub. Bonjour. Évidemment, dans un an. Désolé, hein, mais. On pourrait faire une parade de mode de nakroub à un moment donné, ce serait une parade, alors j'y viens justement. Est-ce que t'as besoin d'un représentant pour les races de sable? Alors, on n'emploie pas ce mot-là chez nous, hein, on laisse ça aux gens de liberté, race de voilà, aux races de gras, tu sais. Mais oui, on en parle. Alors niveau religion, je vois que les grands esprits... Les races de gloges, niveau religion, on va faire, pour jumeler les cultures, on va faire 4 journées. 4 journées nationales tout au long de l'année, on va faire le Nakroub Monday, hein, le Niqab Monday, c'est-à-dire que tout le monde porte un Nakroub de couleur et il y a des parties grandeur nature de Pac-Man qui s'organisent. Ensuite, on va jouer un jeu pour les catholiques, parce qu'il faut bien aussi, parce que on va jouer à Où est Jésus? Where is Jesus? Donc, quelqu'un sera nommé habillé en Jésus, puis se cachera dans toutes les métropoles, hein, chacun aura un Jésus, genre Ottawa, Montréal, tout ça. Tout le monde aura un petit Jésus, il faudra le trouver dans la ville. Il y aura le Hat City Day. Tout le monde porte un chapeau, quel qu'il soit, les boudins sont en option, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le Nothing Above Me, rien au-dessus de moi, Day. Donc ça, c'est pour nos amis les athéistes. On donne un crédit d'impôt de 20$ à tous les Canadiens pour qu'ils puissent s'acheter un six-pack et qu'ils puissent pouvoir sortir dans un club de danseurs ou danseuses le soir afin de relancer l'économie de quartier. Yeah! Au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'on a? On a des timbres alléchés qui auront 3 goûts, sirop d'érable, pâté chinois ou orignal du bord de la route. Les le timbre, évidemment, ce sera aléatoire, vous ne pouvez pas demander, rentrer, dire je veux 6 timbres, goût, sirop d'érable, sinon ça marche pas. Et je me suis entretenu aussi avec les gens du Office Single Riot, qui sont passés, je crois, il y a un bout. Les mecs cagoulés, là, je sais pas trop quoi, en cravate, c'était des sprites sur la gueule. Oublie ça. Donc, ces gens-là. Toutes les fois que tu rajoutais une information, j'avais l'impression de m'éloigner, quoi que ce soit. Voilà, donc en fait, j'ai étudié leur demande et nous allons instaurer. Donc, il y aura 30% des restaurants montréalais qui auront une zone sans enfants, donc children free, le dimanche entre 10h et 14h pour que les célibataires puissent se remettre de leur brosse de la veille. Enfin, un geste courageux. Non, c'est cool. Et niveau science, alors là on a mis le paquet. On va travailler sur un vaccin contre le furisme et le brownisme afin de rendre le Canada le premier pays à éradiquer tout ce qui est furie et brownisme. On va mettre l'argent du pétrole dans la recherche de brèches spatio-temporelles afin d'enrayer tous les chokers dans les soirées. Ouais, toi, c'est ton. C'est mon cheval de bataille. Ouais, t'aimes pas ça. Les Québécois, on abandonne souvent des affaires. Non, non, non. J'entends des pichets, mais regarde ton quotidien puis on en parle. Alors, on va travailler fort aussi sur la génétique pour créer les premiers animaux véganes à partir d'ADN de soya et quinoa. Pour qu'on puisse avoir des abattoirs véganes et ce genre de trucs. Enfin, on travaille fort là-dessus. Niveau de la culture, on va faire en sorte d'effacer de l'histoire du cinéma les films Jurassic World et là-bas. quitte à faire un auto-da-fé de DVD Blu-ray toute l'année, puis de faire un jour symbolique de destruction. On va taxer aussi les erreurs des médias. Pour chaque erreur ou information erronée, les chaînes de télévision devront payer la TMC, la taxe média cave. On voit par exemple quand je vois des erreurs bien trop récurrentes comme sur TVA Nouvelle avec quand il y a eu Charlie Hebdo et qu'ils avaient passé un screenshot de Metal Gear Solid faisant genre que c'était un truc qui se passait vraiment pendant la prise d'otage. Et puis oui, je me rappelle de oui. Et en fait, et puis niveau culture, je pense qu'on va avoir un partenariat avec le Vatican. On va canoniser Nickelback, Justin Bieber et Eric Lapointe de façon à ce qu'ils fassent plus rien. Ah, j'aime ça. De façon à ce qu'on dise, tu vois, t'as atteint le sommet. C'est ça. Fini. J'aime ça. Voilà. Ça va marcher avec Bono, par exemple, ce serait bien. On verra ça pour les prochaines. Mais Bono, il travaille en anglais, c'est pas plus simple. Et pour finir, un des gros trucs qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer de monnaie. On va laisser tomber le dollar. On va faire le POG canadien. Ouais, des POG. Donc, il y aura des Kili, il y aura des POG. Et il est à noter que tous les possesseurs de machines à POG, je sais qu'ils sont nombreux dans la salle. Des milliardaires, c'est pas mal. Ouais, mais justement, il va y avoir la création d'un bureau de destruction des machines à POG. Planquer les miens ou sinon on vous pogne puis vous mange. Quelle sera la valeur d'un slammer? D'un slammer? Là, on parle de POG. Ben, slammer, ouais, il y a un slammer de POG. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une différence culturelle. Excuse, on est canadiens. Parce que chez nous, c'est les kini. Alors, les kini? Ouais, c'était les kini. Pourquoi voilà. Ça a tout le temps l'air plus elfique quand c'est chaud? Non, c'est rien. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est merci de m'avoir offert cette tribune. Puis le 19 octobre, soyez heureux, votez copieux. Merci. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Radio H2O. Your Jedi mind tricks do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Funny money. No butts, no money, no dude. Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side. J'ai l'impression d'être permis, c'est la première fois, merci. Alors, salut Laurent. Alors, trace de break numéro 12. 12. 12. 12. Ça va vite, c'est une douzaine de traces de break. C'est quand même, je ne voudrais jamais aller plus loin que 1. Donc, ma mission est de reporter les géants artistiques oubliés de ce monde. Par conséquent, j'ai accepté une entrevue avec Satan. Yay! Je ne savais pas. De qui on parle de moins en moins dans cette période de bonheur planétaire presque fétide. Pour cette 12e trace de break, je vous donne le diable. Le diable? Rien de moins. Oh boy, yeah. Mettons quelque chose au clair, ce n'est pas si pire l'enfer. Bien entendu, il y a la chaleur. C'est vrai, mais au bout de quelques heures, on s'y fait, même que ce n'est pas si désagréable que ça. Je redoutais mon entrevue avec Satan. Le diable. Avouons qu'il y a de quoi s'en faire quand le diable en personne vous contacte pour une entrevue. On pourrait croire, en raison de sa réputation, qu'il y est en guise sur roche. En passant, j'ai convenu avec lui qu'au moment où je prononcerai son mot, son nom, son histoire, se rapprochant, tout ce qui se rapproche avec le diable en enfer, Satan ou Stephen Harper, je devais créer un grognement sourd de la part du public, genre... Donc, essayons... Philippe Couillard! Ah! Toujours est-il, qu'en longeant le Styx, la rivière de l'oubli, pour arriver au lieu convenu, je me suis égaré. Égaré. Mon iPhone ayant cessé de fonctionner car les seuls téléphones qui fonctionnent là-bas sont bien entendu tous les autres sous-téléphones. L'enfer est très peuplé et tout compte fait, c'est vraiment pas mal comme ambiance. Bon, il faut aussi faire la chaleur élimine le besoin de vêtements et on doit donc se taper continuellement la pitoyable vue des corps de vieux dégueux éternellement en état d'ébriété baisant des choses qui n'ont pas encore de nom dans le monde des vivants. Si vous avez prévu une carrière éternelle en enfer, vaut mieux mourir jeune. J'ai tellement croisé de figures historiques que je me demande bien ce qu'il reste pour le paraître. J'ai vu le marquis de Sade discuter avec Gengis Khan, Louis XVI et Robin Williams en plein concours de qui pisse le plus loin, et même Mère Teresa en pleine séance boucaqué. Cette pratique encore controversée de nos jours en provenance du Japon qui consiste à honorer la femme déshonorable par la semence des mâles du village pendant que cette dite femme misérable, enterrée jusqu'au cou, reçoit la dite semence sur la partie de son corps qui reste à vue. Boucaquet. Ou coulé. Oui, Wikipédia. Pas oui, job. Pas très bien. Dans le cas de Mère Teresa, ils avaient laissé ses mains en forme de prière sortir de la terre chaude de l'enfer. Enfer. Pour évidemment accomplir quelques cochonneries supplémentaires sur la sainte maman qui, à vrai dire, ne semble pas trop à s'ennuyer. Bien au contraire. J'ai marché encore et encore dans ce pandémonium. Ce gouffre! Ce purgatoire! Cet abîme! Et j'ai parlé à toutes sortes de choses ayant l'Halloween en fétiche. Et c'est lorsque j'ai demandé si Marilyn était dans le coin que tout le monde s'est tu. Manifestement, le sujet était des plus tabous dans ce brasier sans vertu. Le diable est apparu presque immédiatement, ne me félicitant pas pour m'être perdu, mais doutant bien que j'appréciais secrètement l'endroit. Rapidement, j'ai compris que Marilyn était la possession du diable. Sa chose. Je pourrais même avancer qu'il devait être très possessif. J'ai compris tout de suite parce que Marilyn est en permanence à ses côtés, éternellement empalé sur un de ses pénis rouges de maître des lieux. J'avais toujours trouvé qu'on surestimait la beauté, de cette icône du noir et blanc, jusqu'à ce que je lui fasse la bise entre deux gémissements. Elle devait bien avoir quelque chose qui m'échappait si même Satan en personne l'avait choisi entre toutes les playmates décédées d'overdose qui traînaient dans ce coin. Parlant de Satan, vous seriez étonné de voir ce qu'il a l'air. Si vous êtes comme moi, vous avez tout faux de l'image qu'on a pu s'en faire, à part qu'il soit effectivement rouge. Il n'est pas grand, juste correct, petit un peu, pas très musclé non plus, il a même un petit ventre, dont il est très susceptible à ce qu'on dit. Il a des pénis partout, autour des hanches, 7 en tout, comme les chandeliers juifs. Ouais, plutôt impressionnant, dois-je dire. Pas que j'ai inspecté, non, mais éminemment immanquable. Particulièrement celui qui ramenait à jamais l'ex de John F. Kennedy. Ce dernier ayant finalement pris la direction du paradis, ayant une intense débat entre Saint-Pierre et Satan. Bref, personne ne veut se faire chier au paradis. À ce qu'on dit, c'est comme une banlieue propre et sécuritaire où il n'y a que dans la foutre. Et en plus, il n'y a pas d'internet. Dieu n'y voit pas l'intérêt de la bouche de Nietzsche. C'est assez convaincant. Satan, malgré tout, a des cornes, c'est vrai. Et bon, ça, il n'a pas du tout apprécié que je lui dise si j'en crois un soudain grognement sourd. Il a curieusement des airs de Sylvester Stallone qui rencontre Stéphane Dion. Mais, tout de même, pas le genre de personne que tu as envie d'avoir comme ennemi, c'est un dieu après tout. C'est justement pour cette raison que j'étais confus qu'il m'ait convié à une interview chez lui, au pire endroit du monde, l'enfer. Il voulait tout simplement se rapprocher du peuple, faire de la promo pour sa business de ténèbres. Il commençait à en avoir marre de recevoir des musulmans déçus de ne pas trouver des vierges promises. Satan voyait en sa musique une façon de remédier à tout ça et de faire en sorte que les hommes se remettent à s'entretuer au contact de sa musique. Je l'ai trouvé plutôt touchant. Satan? Touchant. Quand il m'a demandé, tout gêné, si je voulais entendre sa chanson, il gifla quelquefois Marilyn pour qu'elle se réveille et continue de livrer avant d'enfourcher sa guitare. J'assistais donc à un concert privé de Satan avec Marilyn qui gardait le temps par son service. En fait, prépare-toi Nicolas, j'ai bien hâte d'entendre l'album Le Diable. Qu'il sorte, ne serait-ce que pour enfin en finir, une fois pour toutes, avec l'humanité. Ah. Fait que là, on écoute la chanson qui va détruire le monde. Et voilà. Merci, Laurent. Voici un message très profond de notre ami Beautrax. Radio H2O. On s'adresse pas à ceux qui ont de l'eau dans la tête, c'est juste parce que. C'est pas parce qu'on a de l'eau dans la tête non plus, c'est juste que, tu sais, c'est de l'eau, c'est la source, c'est. La source de la bonne info, en tout cas, du moins on l'espère, tu sais. On va essayer de faire ce qu'on peut, tu sais, on a de l'eau dans la tête, en tout cas, anyway, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là, c'est pas. Tu sais, c'est de l'eau, en tout cas, c'est pas. On est pas si épais que ça, tu sais. Radioh2O.ca. On n'est pas des épais. Et beaucoup de cabotinage, mesdames, messieurs, le menton de Robert Sdor, et bien entendu, Gary Daniels. Gary Daniels, j'ai souvent dit de lui, en fait, c'est le seul qui m'a fait dire à un moment donné, « Je veux tes enfants ». Donc, il paraît que la greffe d'utérus est maintenant légale en Angleterre. Puis c'est hot parce que Gary Daniels, c'est un Anglais, il a gagné des tournois de kickboxing dans le début des années 90. Et comme le veut la magie, tu sais, tu gagnes des tournois de kickboxing, t'es rendu un acteur Hollywood. C'est 1 plus 1 égale coke. Genre. Jean-Claude Van Damme, il a fait quelques tournois, mais c'est pas. Il a jamais été champion de quelque chose qui existait ailleurs que sur son CV, genre. L'important, c'est ce que les gens croient. Puis anyway, avant que Google existe, je te jure que hein, c'est que les prix des encyclopédies vont avoir changé de bord en pas longtemps. J'ai les 87 volumes, moi. Ah ouais, moi j'ai Google. En tout cas, c'est ça la vie. Mon nom, c'est Tommy Godette. Je parle un petit peu avant qu'on commence 70% avec Bruno qui est là. Parce que je veux que mon opinion politique officielle en tant que candidat pour le Parti Rhinocéros, pour Justin Trudeau, pour diviser le vote, j'aimerais que mon opinion soit enregistrée. Et ce soir, ben voilà, c'est comme moi l'humoriste de résidence. Parce qu'on parle de politique, ainsi va la vie. C'est quelque chose que j'ai eu encore cette discussion-là en fin de semaine. Il y a quelqu'un qui défendait bec et ongle l'intelligence de ne pas aller voter. Et moi, vu que je suis rendu meilleur que vous, vu que je vais voter, vu que je m'implique, du haut de cette affaire que j'assume et que je vais aller jusqu'en enfer avec ça, je vais vous parler de comment que c'est mieux d'aller voter. En fait, j'avais pas mal son opinion à lui avant de m'impliquer dans le Parti Rhinocéros. Et je m'implique dans le Parti Rhinocéros parce que diviser le vote, c'est important. Parce que on vit dans un système où il n'y a pas la proportionnelle. Donc déjà, on commence un petit peu. Déjà, c'est drôle en commençant un petit peu. Moi, je suis content en plus parce que dans ma circonscription, Justin Trudeau, il est comme en train de perdre. Fait que c'est encore plus important que je divise le vote pour lui, tu sais, parce que sinon, il va perdre, puis il va voler la job à un autre gars qui est là depuis longtemps, là. C'est de même, ça marche. On fait des carriéristes, puis là, après ça, il se ramasse à devoir payer le chalet, puis là, il faut qu'il paye l'université de leur troisième fille, puis, tu sais, c'est à un moment donné, il faut que la colonne des rentrées soit égale à celle des sorties. Puis c'est la sortie qu'à un moment donné, il faut que tu ailles le contrôle là-dessus, mais on est au Canada, hein? Il y a de la place en esti. Pareil, tu peux faire comme une gaffe, puis tasser ça. En Abitibi, là, ça a pris 50 ans, puis on a transformé des forêts. Tu sais, c'est pas une métaphore, là. C'est plein d'arbres, genre, tu sais. On a transformé ça en cratère de lune qui pue. Tu sais, c'est ça devient là, la slam parce que les mines, ils font comme du gravier, puis là, ils meulent ça, ils font tout chauffer. Puis là, ce qui est pas bon, ben ils prennent de l'eau parce qu'il y en a pas mal en Abitibi des lacs. Et puis là, ben ils font juste sortir un sludge. C'est pas pire parce qu'à côté de Val-d'Or, il y avait une dénivellation comme ça. Ben, là, ils l'ont rempli un petit peu, là, tu sais. Hey, il y a des montagnes de marde qui n'étaient pas là il y a 50 ans puis qui sont aussi plus hautes que les arbres à côté de la forêt. En tout cas, on fait ça au Canada. Les redevances minières, c'est quelque chose que... C'est des lois qui sont importantes et qui ont des répercussions pour tout le monde. Puis moi, je viens de l'Abitibi, fait que je le vois à quel point cette petite fluctuation dans quelque chose qu'on pense comme pris pour acquis. Parce que ça fait 150 ans qu'on a les mêmes lois. Fait que ça... Tu sais, les lois de redevances minières, là, quand ils ont été écrits, là, il y avait des gens qui avaient des esclaves. Puis là, tu te dis, c'est ça le système. Fait que là, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Genre, tu sais, je sais pas c'est quoi la solution, moi. Peut-être pas obligé d'avoir un riche qui habite en Thaïlande, là, mais il y a peut-être. On a une question ici, oui? Une scène, le carat de métal dans le temps, et que là, tu me poses des questions sur les redevances minières et tout. Sûrement. Ah oh, oui. Ça nous indigne un petit peu, on va en parler. Merci Jean-François Pruneau, tout le monde. On peut l'applaudir, ça. Ben oui, Jean-François Pruneau. Ben oui. Moi, je ne sais pas c'est quoi la solution à long terme. Il y en a, ils sont bec et ongle pour le nationalisme. Ils se disent, on va arrêter de se faire manger à l'aine sur le dos. Oh, ça va. On va arrêter, OK? Ça va être fini. La corruption à Montréal, 2 milliards par année. Hein. Puis il paraît que ça a été pire quand il y avait le procès, parce que tout le monde regardait là. As-tu remarqué? Ben oui, hein, finalement, il y a comme une TV ouverte, fait que le chat regarde, fait que les souris dansent, genre. Là. Non, mais... je ne sais pas c'est quoi l'idée. Moi, ce que j'haïs le plus dans tout ça, c'est l'idée du vote stratégique. Enfin, je ne sais pas c'est quoi l'opinion du monde, mais je sais que présentement, on ne l'a pas. Ça marche pas. Il y a Éric Duhaime qui a un fanbase. Juste ça, c'est un petit peu plate. C'est un petit peu touchant. Donc, des affaires que je veux que les gens sachent avant de choisir de ne pas aller voter, c'est des chiffres bien simples. Et c'est en fait là-dessus que je me basais pour dire que maintenant, je suis rendu meilleur que ceux qui vont pas voter. Bien meilleur. Mettons là que je te dis qu'il y a 38% des Canadiens qui ont voté pour Stephen Harper aux dernières élections fédérales. Il y en a 40 qui ont décidé de pas aller voter. Puis il y a le restant, 22%, qui ont décidé d'aller voter pour le reste. C'est weird, hein? Il y a comme 38%, puis là, il représente 100% du monde. Est-ce que vous savez qu'en 2014, en fait, le budget pour 2015, il a été relâché 2 jours après le début des séries, 1 mois et demi après la date de tombée habituelle? Et c'est un gouvernement qui se vante d'être à jour au niveau économique. C'est quelqu'un qui sort les patentes pendant que le monde regarde le hockey. Dans ce dossier-là, il est écrit noir sur blanc, ou la couleur que tu veux bien l'imprimer. Il est écrit que en 2015, on va mettre 39 millions dans la sécurité ferroviaire. Et ça, c'est le plus bas total de toute l'histoire. Mettons que t'ajustes la c'est un petit peu le but de la Confédération canadienne au début aussi, d'avoir des chemins de fer qui se tenaient. Fait que bon, là, mettons que t'ajustes, là, puis moi, ouais, l'inflation, c'est ça que je suis en train de dire. Et donc, c'est le plus bas ou depuis l'heure des conseils. Whatever, Chris, ils ont mis 42 millions en promotion du gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont mis 3 millions de plus dans la promotion du gouvernement du Canada, desquels ils sont leaders majoritaires. Puis, ils ont mis 39 millions dans la sécurité ferroviaire 2 ans après la catastrophe où personne n'avait amené ses guimauves, genre. C'est des affaires qui se passent présentement. Ils ont fait une loi, ça s'appelle la loi des élections justes. C'est sûr que c'est un gars qui s'appelle Orwell qui a écrit ça, check bien. c'est rendu illégal pour moi de vous inciter à aller voter. Tu peux pas représenter une entité officiellement et aller inciter les gens parce que ça rendrait les élections non justes. Puis là, je te dis même pas, va voter pour moi. Je te dis, oublie pas d'aller voter. Fait que là, je suis en train de faire un gros move illégal d'en face à tout le monde. Et s'il vous plaît, faites que le 38%, on l'assume pour vrai que c'est le monde en banlieue qui pense que d'avoir un pick-up, c'est de réussir dans la vie, genre. C'est sûr.